dans une palette colorée et obtenir un tableau sonore et scandaleux, abstrait à souhait, soustrait d'acier, qui est mon stylo, lance trop d'assaut, qui sait capter et mélanger par cet homme orange et son lasso. Pastel et acrylique, mes mots sous couche, mes pensées, qui sait t'as sans panique aux yeux des plus attentionnés. Dessiner des planètes avec une voix et un clavier, une touche de ré et de do, entre le vert et le bleu, noce et concept et déconfite, car tout qu'on fait, peinture c'est frite et fa, tic sur le tableau, cet homme orange et son lasso. Cubiste impressionniste, mouvement des notes si élancées, qu'elles font rêver mes lyrics, au bout des femmes si prononcées. Déposer des paillettes avec un rythme d'acharné, 7 jours sur 7 l'oreille collée, par la gouache et la craie, usure, sueur, crise insulaire, sur l'île coincée, le désaxé, envoie ces mots à cet homme orange et son lasso. Pastel et acrylique, mes mots sous couche, mes pensées, qui sait t'as sans panique aux yeux des plus attentionnés. S'enfiler des canettes, des gribouilles d'attarder, la tapisserie défoncée par des crayons HB, saleté, misère, téléviseur couché 6 heures dans une allée et s'endort un peu palo, cet homme orange et son manteau. Cubiste impressionniste, mouvement des notes si élancées, qu'elles font rêver mes lyrics, au bout des femmes si prononcées. Injurié par la fenêtre avec des phrases décomposées, voir la police débarquer, matraque en main sur le palier, et peau de peinture et détritus, mur tapisserie mise à nu, à l'arrivée des flics il lance l'assaut, cet homme orange et son marteau. Pastel et acrylique, mes mots sous couche, mes pensées, qui sait t'as sans panique aux yeux des plus attentionnés. Cubiste impressionniste, mouvement des notes si élancées, qu'elles font rêver mes lyrics, au bout des femmes si prononcées.